بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc cette série de cours dans la lecture et le commentaire de cet écrit de l'imam Al-Fawzan حفظه الله تعالى concernant les règles de la prière du Eid. Il dit l'imam Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, من يسن له الخروج لصلاة العيد. À qui est-il recommandé de sortir, d'aller pour l'accomplissement de la prière du Eid? Il dit, فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة. Et donc il dit, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné même aux femmes d'aller donc participer à la prière du Eid. Et donc il est recommandé, yusannu. Il est recommandé, il fait partie de la sunna, que la femme participe à cet événement, sans pour autant être parfumée, ni avoir un vêtement qui l'embellit, ou alors donc un vêtement qui n'est pas conforme. Liqawlihi alayhi salatu wassalam, wal yakhrujna tafalatin wal ya'tazilna ar-rijal wa ya'tazilna al-huyyad al-musalla wa ya'tazilu al-huyyad al-musalla. Qalat Ummu Atiyah radiyallahu anha, كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فكنا خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم. Et donc il continue l'imam Al-Fawzan, hafidahullah, et il nous dit donc ceci en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit alors qu'elles partent, et donc que les femmes partent participer à cet événement, sans donc en étant couvertes et en s'éloignant des hommes, et que les femmes menstruées s'éloignent du lieu de prière. Elles ne restent pas dans le lieu de prière pour éviter de gêner, celles qui vont prier. Ummu Atiyah radiallahu anha, elle dit, il nous a été ordonné de sortir pour participer à la prière du Eid, de sortir le jour du Eid. Et même les jeunes, donc les jeunes filles, les bikr, celles qui étaient vierges ainsi que les jeunes, Elle devait sortir pour participer à cet événement. Et même les femmes menstruées. Et donc elles sortaient, elles étaient derrière les gens. Et elles faisaient le takbir, elles prenaient la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala avec les gens. Et elles invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala avec les gens. Et elles espéraient, donc les femmes, elles espéraient bénéficier de la bénédiction de ce jour, ainsi que de sa pureté. C'est pour ça, en fait, c'est le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné. Est-ce que cet ordre, c'est un ordre formel, qui implique, donc, qu'il est obligatoire à la femme d'y aller? Ou alors cet ordre est informel, c'est-à-dire que c'est un ordre qui, c'est une recommandation, une forte recommandation. Il y a unanimité des savants sur le fait que ce n'est pas une obligation, et donc c'est une forte recommandation. D'accord? Et donc lorsqu'on dit le prophète, il ordonne quelque chose, la base, c'est que cet ordre implique une obligation. Sauf s'il y a une preuve du contraire, une preuve qui montre que ce n'est pas une obligation, mais que c'est une recommandation, comme on a dans ce cas ici. Tayyib, wa fika barakallah. Wal khuruj li salati al-Eid wa ada'u salati al-Eid ala hadha an-namt المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام فهي من أعلام الدين الظاهرة وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة. Et donc le fait de sortir pour participer à la prière du Eid se fait comme cela a été cité. Donc les femmes, elles vont y aller, elles vont participer. Et un maximum de personnes vont participer à cet événement. Et donc cet événement fait partie des rites apparents de l'islam. Cela fait partie des rites apparents de l'islam. D'ailleurs, cet événement a été aussi cité dans les conditions d'un pays musulman. Un pays musulman, donc dans le pays musulman, les musulmans, on les laisse pratiquer leur religion et leurs rites apparents tels que le Eid, le Jumu'ah, etc. Et donc cet événement fait partie des rites apparents de la religion musulmane et fait partie des signes clairs de celle-ci, de cette religion. Et la première salat du Eid qui a été accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la prière, donc était durant le jour de la rupture du jeûne, durant la deuxième année de l'émigration, donc après l'émigration. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم n'a cessé de pratiquer, de participer à cette prière jusqu'à ce qu'il délaisse cette dunya. صلوات الله وسلامه عليه. Et donc ici ça nous montre, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela nous montre, barakallahu fikoum, l'importance de pratiquer cette sunna, que on ne fasse pas preuve de négligence, ah c'est pas obligatoire, etc., etc. Le prophète, il a continué à la prier, donc jusqu'à sa mort. Wastamarra alayha al-muslimuna khalafan an salaf. Et les musulmans ont continué à pratiquer cela de génération en génération. Fala utarakaha ahlu baladin ma istikmal shurutiha fihim قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. Et donc si il y a les habitants d'un endroit, d'un village ou d'une cité, les habitants donc d'une région qui vont délaisser cette prière, et donc personne ne l'accomplit, alors que les conditions sont réunies parmi eux, alors à ce moment-là, l'imam, c'est-à-dire le gouverneur musulman, il va devoir donc les combattre par rapport à cela, car cet acte d'adoration fait partie des rites apparents, des signes apparents de la religion musulmane, tout comme le adhan. Mekanu iqamati salatil Eid, l'endroit durant lequel, l'endroit où on accomplit la prière du Eid. Wa yanbaghi an tu'adda salatul Eid fi sahra qaribatin min al-balad. Et donc, il est convenable que la prière du Eid soit accomplie dans un grand espace vide à côté de la ville. À côté de la ville, à côté de, donc, naam, de la ville. لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّ الْعِيدَيْنِ فِي الْمُصَلَّى الَّذِي عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait les deux Eid dans le lieu de prière qui était à l'entrée de Médine. فعن أبي سعيد كان الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه. Et donc il dit à Abu Saïd que le prophète صلى الله عليه وسلم il sortait pour la prière du fitr et de l'adha, donc il sortait à la musalla. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ولم ينقل أنه صلىها في المسجد لغير عذر. Et il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accompli cette prière dans la mosquée sans excuse. Wali anna al-khuruj ila as-sahra awqa'u li haybati al-muslimin wal islam. Et aussi parce que le fait de sortir dans un grand espace vide, cela donc va avoir un plus grand impact pour donc la prestance des musulmans et de l'islam. Cela montre, met en évidence la communauté musulmane et cela met en évidence la religion musulmane, tandis que dans les mosquées, cela est moins visible. Et cela permet plus de mettre en évidence les rites de la religion. Et il n'y a pas de difficulté en cela. Il n'y a pas de difficulté en cela parce qu'on ne va pas le répéter tout le temps. On ne va pas le répéter. Bikhilaf il Jumu'ah, contrairement au Jumu'ah. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile pour nous d'aller dans un endroit, un grand espace vide, une fois ou deux fois dans l'année, où les musulmans se réunissent. Par contre, si on devait faire cela tous les vendredis, là oui, il y aurait eu une difficulté. Et donc, ici, et il continue l'auteur, « Illa fi Mekkata al-Musharrafa. Fa innaha tusalla fil masjid al-haram. » Sauf à Mekka, car à cet endroit-là, la prière se fait dans la mosquée sacrée. Tayyib, si aujourd'hui, on accomplit la prière du Eid dans une mosquée. Si aujourd'hui, la prière du Eid, elle est faite dans une mosquée. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Oui, non? Si on a la possibilité de faire dans une salle, c'est mieux. Si on a la possibilité de le faire dehors. Si on a la possibilité de le faire dehors, c'est mieux. Taïb, si on n'a pas la possibilité, on n'a pas les autorisations, etc., sécurité, etc., etc., alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal à le faire à la mosquée ou au merkez. Waqtu salatul Eid. Waqtu salatul Eid, le moment de la prière du Eid. À quel moment s'accomplit cette prière ? ويبدا وقت صلاه العيد اذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح. Et donc le temps de la prière du Eid va commencer à partir du moment où le soleil se lève à une hauteur semblable à donc à la hauteur à la longueur d'une lance. لانه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه. Car c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière donc du Eid. Wa yamtaddu waqtuha ila zawal ash-shams. Et donc le temps commence à partir du moment où le soleil se lève et s'étend jusqu'à donc jusqu'au déclin du soleil. Jusqu'au déclin du soleil, c'est-à-dire le moment du dhuhr. Fa in lam ya'lam bil Eid illa ba'da az-zawal. أو فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. Et donc si on ne connaît le Eid que après le déclin, c'est-à-dire que les gens ils pensaient que on était encore donc que ce n'est pas le Eid, on ne savait pas, ils n'étaient pas au courant. Mais après le déclin, on s'est aperçu que oui, c'est le Eid. Oui, c'est le Eid. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il nous dit l'auteur, rahimahullah. Alors, à ce moment-là, les gens vont prier le Eid le lendemain. Ils vont le rattraper le lendemain. Lima rawa Abu Umayr ibn Anas an umumatin lahu min al-ansar qalu rumma alayna hilal shawwal fa asbahna siyaman fa jaa rakbun fi akhir an-nahar فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. Et donc ici, dans ce texte qui a été rapporté par l'imam Ahmed ainsi qu'Abu Daoud, Darqutni, qui a été jugé correct, donc Darqutni l'a jugé correct, et le cheikh il nous dit qu'il y a une jama'a, qu'il y a plusieurs des savants, par plusieurs parmi les Huffaz, aussi l'ont jugé correct et authentique. Et donc dans ce hadith, il est cité que, donc les compagnons, ils disent que la lune n'était pas visible. Rumma alayna hilal ou shawwal. La lune, le croissant lunaire montrant le début du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal qui est juste après Ramadan. Et donc ils étaient en train de jeûner, et ils n'ont pas vu la lune annonçant la fin de Ramadan et le début de Shawwal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Hein ? Non, là, je ne suis pas encore arrivé là. Ils sont le 29 de Ramadan. Le 29, ils ont regardé, ils n'ont pas vu. Hein? Et donc, ils ont rajouté un jour. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, ils ont rajouté un jour. Et donc, le lendemain, ils jeûnaient. Et après le déclin, il y a des gens qui sont venus et qui ont dit qu'ils ont vu, ils ont témoigné qu'ils ont vu. Ils ont témoigné qu'ils ont vu donc le croissant lunaire. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné aux croyants de venir le lendemain pour la prière du Eid. Il leur a ordonné donc de rompre leur jeûne et de venir le lendemain pour la prière du Eid. Rompre leur jeûne, pourquoi? Parce que c'est un jour de Eid, interdit de jeûner. Mais par contre, est-ce qu'on prie maintenant? Non, parce que le déclin du soleil, il est déjà passé. Donc on rattrape la prière le lendemain. Ensuite, il dit, le cheikh Al-Fawzan, فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد. Car si la prière du Eid se faisait après le déclin du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas retardé jusqu'au lendemain. Et donc ça c'est la preuve que on doit rattraper le lendemain. ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها. Et aussi parce qu'il est recommandé pour la prière du Eid le fait qu'il y ait un grand rassemblement. Et donc il est important qu'il y ait un laps de temps important qui se passe entre l'annonce et la prière, afin que les gens aient la capacité de se préparer pour venir à accomplir la prière. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما روى الشافعي مرسلا. Et certes, et donc il nous dit, il est recommandé de faire, donc d'accomplir plus tôt la prière de l'Adha et de retarder la prière de l'Fitr, la rupture du jeûne. Et ce, à cause de. Donc, la preuve de cela, ce qu'a rapporté Al-Shafi'i, Mursalan. Ça veut dire quoi, Mursalan? Un hadith qui s'arrête à un tabi'i. C'est-à-dire, donc, c'est un tabi'i qui nous dit, qui nous cite quelque chose, donc, qui se passe à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça veut dire que c'est un hadith qui est. Qui est daïf, qui est faible. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Amr ibn Hazm: Ana ajjil al-adha wa akhir al-fitr. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Amr ibn Hazm qu'il doit accomplir la prière de al-adha, la prière du sacrifice, plus tôt et la prière de la rupture plus tard. Et fait le rappel aux gens. Et donc ici, barakallahu fikoum, si le hadith n'est pas authentique, on ne peut pas l'attribuer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on ne peut pas non plus dire que c'est une sunnah. Mais on peut dire qu'il est préférable de le faire. Pourquoi? En termes d'organisation, et c'est pour cela que le cheikh, il nous dit tout de suite après, وَلِيَتَّسِعَ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ بِتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ فِي الْأُضْحَى وليتسع وقت الإخراج أو إخراج الزكاة الفطر قبل صلاة الفطر. Afin que le temps du sacrifice soit plus long après la prière. Donc, lorsque on va accomplir la prière liée au sacrifice tôt, eh bien, le sacrifice qu'on va faire après la prière, on aura plus de temps pour le faire. Et lorsque on va retarder la prière lié à la rupture du jeûne, eh bien, on aura plus de temps pour nous acquitter de l'aumône, de la zakat al-fitr, qui se fait avant la prière. Et donc, en termes d'organisation, c'est mieux. Maintenant, de là à dire que c'est une sunna, pour cela, il faut un hadith authentique qui remonte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, ba'dun mimma yusannu wa yustahabu fi'aluhu li salat al-Eid. Et donc, certains points qui sont donc recommandables concernant la prière du Eid. Alors, il nous dit, hafidhahullah, wa yusannu an ya'kula qabla al-khuruj li salat al-fitri tamarat wa an la yat'ama yawm an-nahri hatta yusalliya. Et donc, il est recommandé donc avant de sortir pour l'accomplissement de la prière liée à la rupture du jeûne, il est recommandé de manger quelques dattes. Dans les hadiths qui ont été cités, il y a été cité 3, 5, 7 dattes. Maintenant, si la personne elle mange une datte, cela aussi donc va être conforme à la sunna, inshallah ta'ala. Et il continue l'auteur, il nous dit, et par contre, il est aussi recommandé de ne rien manger le jour du sacrifice jusqu'à ce qu'il prie. Donc à ce moment-là, donc c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est cela. Donc le fait qu'on ne mange pas jusqu'à la prière, inshallah ta'ala. لقولي بوريدة en se basant sur la parole de بوريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد وغيره. Et donc il nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم ne sortait pas durant le jour de la rupture avant d'avoir rompu son jeûne, avant d'avoir mangé du moins. Et le prophète صلى الله عليه وسلم ne mangeait pas durant le jour du sacrifice avant d'avoir prié, rapporté par Ahmed et d'autres. Wa qala Sheikh Taqiyuddin lamma qaddama Allah tabaraka wa ta'ala as-salata 'ala an-nahri fi qawlihi fa salli li rabbika wanhar wa qaddama at-tazakki 'ala as-salati fi qawlihi qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla kanat as-sunnatu an as-sadaqata qabla as-salati fi 'id al-fitr. Et donc ici, juste concernant le fait que l'aumône de la rupture du jeûne, elle se fait avant la prière, et que le sacrifice, il se fait après la prière, donc ce qui nous concerne et ce qui arrive, inshallah ta'ala. Alors là, le Cheikh Taqiyuddin, il dit, rahimahullah, que Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa parole, concernant la prière du sacrifice, il a fait précéder la prière. Il nous dit « Fais salli li rabbika wanhar » et donc prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et concernant donc l'aumône la prière qui est liée à l'aumône, alors là il a fait précéder l'aumône. « Qad aflaha man tazakka » certes a réussi celui qui tazakka, qui se purifie. L'aumône elle purifie. Celui donc a réussi certes celui qui se purifie wa dhakara isma rabbihi et qui fait le rappel du nom de son Seigneur fait salat et qui prie. Et donc il dit, donc cela montre que la sunna concernant donc l'aumône, la sunna est que l'aumône se fait avant la salat le jour de la rupture du jeûne et que le sacrifice se fait après la salat le jour du sacrifice. Wa yusannu tabkir fil khuruj li salat al-Eid, et il est recommandé de sortir tôt pour donc l'accomplissement de la prière du Eid. Et ça demande, barakallahu fikoum, qu'on prenne déjà de bonnes habitudes, sortir tôt pour toutes les prières et tabkir. Ça c'est important, barakallahu fikoum. Et donc il est recommandé de sortir tôt pour la prière du Eid. Li yatamakkana min ad-dunu wa min al-imam, afin que la personne ait la capacité de se rapprocher de l'imam. وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه فيكثر ثوابه. Et afin que la personne parvienne à bénéficier des mérites liés à l'attente de la prière. L'attente de la prière, les récompenses qui ont cela, la personne qui va attendre la prière en faisant le dhikr et donc en prenant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, son unicité. وَيُسَنُّ أَنْ يَتَجَمَّلَ الْمُسْلِمُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ بِلُبْسِ أَحْسَنِ الثِّيَابِ. Et donc il est recommandé que le musulman, il se fasse beau pour cette prière, la prière du Eid, et ceci en mettant ses plus beaux vêtements, et ceci en se basant sur le hadith de Jabir, radiallahu anhu. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait donc une parure qu'il avait pour le Eid et pour les deux Eid et le Jumu'ah, rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih. Et d'ailleurs d'après Ibn Omar رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه رواه البيهقي بإسناد جيد. Et donc il était rapporté que Ibn Omar رضي الله عنه, il portait donc ses plus beaux vêtements pour l'accomplissement de la prière du Eid, rapporté par Al-Bayhaqi avec une bonne chaîne de transmission. Nous on va arrêter là bi'idhnillah ta'ala, et demain on reprend avec les conditions de la prière du Eid. Et concernant ce sujet-là, il y a donc quelques divergences qu'on va aborder demain. Bi'idhnillah ta'ala waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.